la vie son bois secret qui remplit un surprise. Faut t'émettre le pas, faut pas foutre qu'on est. Ça demain à côté, ça son gros vérité. Chaque jour dans mon lever, faut dire bon Dieu, merci. Parce que yon journée, pas jamais fini, passé. Sans pas attendre en moi, pour bon prochain calé. Personne va contre côté, sans deuxième vérité. Son boîte secret qui remplit un surprise. Faut te mettre le pas, ou pas foutu qu'on est. Ça le met à côté, ça son gros vérité. Chaque jour dans mon lever, faut dire bon Dieu, merci. Parce que yon journée, pas jamais fini, passé. Sans pas attendre en moi, on va prochain galé. Personne va contre côté. Son deuxième vérité. Alors pour qui ça? Pour qui ça? La pégoumè. Pour qui ça? Pour qui ça? Pour qui ça? Pas qu'un l'union. Et elle dit le supérieur est elle. Et elle va comme un râle et elle. Le souffle a coupé. Pauvre là c'est dégoûté. Riche là 50 centimes. Malheureux à connaître là. Yo c'est le vrai jumeau. Méditation. Résultat, c'est une autre et la l'autre. Oh, qu'est-ce la guerre besoin? C'est pour n'entendre nous. Attends, pour n'entendre nous. Voilà, montrer nous qui j'en pour n'entendre nous pour ne pas de problème. Attends, pour n'entendre nous. Supposons qu'on va monter la caillou. Attends, pour n'entendre nous. Un bel automobile bien éclairé et passé côté. Attends, pour n'entendre nous. Fiaou. Attends, pour n'entendre nous. L'arrivée ou elle parking devant porte la caillou. Attends, pour n'entendre nous. Passez droite. Passez droite, Wally. Passez droite, Wally. Attends, pour n'entendre nous. Bagay ki plis enpòtan anko. Atan pou natan nou. Supozon, ou paret la kayou. Atan pou natan nou. Ou arrive jwen madame ou sur le lit des pigeons. Atan pou natan nou. Trè vague, trè vague. Atan pou natan nou. Afè jalouzi a bagay sa mèm. Atan pou natan nou. Yes. Atan pou natan nou. Men yon lot bagay ou pat konè. Atan pou natan nou. Kayou den an fè noua. Mais où vit le caillou bien éclairé? Attends, bon attend, non. A toi qui s'est dégué là? Attends, bon attend, non. Tout bagaille dans la place. Attends, bon attend, non. Alors, que pour prendre madame, on passe, mais en bas, bravo. Attends, bon attend, non. Pour aller shopping? Attends, bon attend, non. Bon, on va le battre l'autre exemple. Attends, bon attend, non. Tout c'est ça, c'est exemple. Oui, pour le battre l'autre exemple. Par exemple. Attends, bon attend, non. Vous levez samedi ou bien bonnet. Attends, bon attend. Ou habillé ou zé tout d'un coup, bien fait machine ou bien clé ou à l'emballe. Attends, bon attend, non. Ou dérapé. Attends, bon attend, non. Au bout de route, vous arrivez vite pour ban caoutchouc. Attends, bon attend, non. C'est malheureux à vous lever ban dans vous. Attends, bon attend, non. Ou pas malheureux à dire que nous faisons pas qu'être bagaille pour lui. Attends, bon attend, non. Malheureux à lever ban dans, faut pas qu'être bagaille pour vous. Si une femme dit pas besoin garçon, il mentit. Si un garçon dit pas besoin femme, il mentit. Le pourquoi, vous faites la donne. Et n'a pas entendu nous la donne. La la. Attends, nous c'est sa Bible à mander.